Le magazine qui vous na politique ti nandenge ayeko se retrouver responsable ya armée, qu'est-ce qui s'est réellement passé to monaki yango? Mais pour na ko sala lokwa to mesana ko sala to sa moi résumé moke kaka ya moke pour na ko rafraîchir pe bato mémoire izara bongo te même soki mo lakisi ayena kelasi pour na bana kelasi avant to kota na cour ya mokolo ya lelo. Torozonge ya mwa rezi na mbukuse maetolube laki na poso ile ki. Lelonde, tokosuki sali solo ya Maréchal Mobutu. Invite na biso Thomas Luaka Losenjola, azali lisusu na biso mbote na yonde kwa Thomas Luaka. Mbote mingi nde kwa stiri. Nakanisi tokosuki sali lo li solo ya Maréchal, tokosala vi na ye mobimbate paske nakanisi batuwa mwona ki ango. À partir de 1965, bah épisode d'union sur Toloba qui on a ébané Kolakesa via Maréchal. Ti tant que comme un épisode d'Asuka, dengeni azaki na Guado, akina longwe do Guado, dengeni ninda nenge akeko kufa la Maroc. Donc tout aussi tout monde yango déjà. Aussi Toloba là qui on tant tout Toloba la histoire politique yango kanabis. Exactement. Abanda va indépendance, indépendance to évoluer. Période où on a kubana 1960 à Kendaki, zaki forcément lié na parcours politique. Donc lelo tokota la kaka période oyo akomi mokonzi ya mapinga pe ayeko kuma président de la république donc 60-65 d'accord to kotala mwa to bandela mwa moke mobutu azana nya butu ya pe botami ya pe comment il se retrouve rappel to mona ki yango mobutu abotami le 14 octobre 1930 na Lisala na province équateur azali mwana ya Alberic Gwemani Oyazalaka cuisinier et Paba Mindele na Marie-Madeleine Yemo. Marie-Madeleine Yemo Oyo Azama Manaye. Donc Alberic na Yemo Baboti Bana Mine, Tomona Kiango, Mobutu, Nabande Kona Emisato, Azalaki na Ndekoya Mwasi Kaka Moko. Oyo aoutiko tika biso ya quelques semaines, Mama Francisca Kofi na poto nde mwana ya suka ya Yemo oyo atika laki donc dans la fratrie ya ba Mobutu, mutu ya suka atika laki Francisca nde oyo aoutiko tika biso. C'était la seule sœur ya Mobutu azaki na ye. Et tant que tu bande ko loba ba connexion na zanga ko pesa detail moko, Francisca nde akoya ko koma mwasi ya général Bolozi oyo azalaki commandant ya des miap ya Mobutu, hein, renseignement militaire ya Tangwana. Donc Mobutu abotami na lisala 1930 a tangi ba a zu éducation ya Malonga et pa ya mama moko ya mondele madame Delcourt to mona ki yango madame Delcourt, to rappeler que azali mwasi ya ya patron ya papa na ye. Exactement. Papa na ye bana ye ko mema ye na esika na ya mosala loko akupula na pe bazali na mwana te mwasi wana azwiye abandi kolakisa ye kotanga kokoma etc. Yango wana on l'a vu plus tard Mobutu tango akoti na classe niveau na ye ezalaki susu ya classe sete donc voilà Mobutu na bokuse atangi na groupe scolaire na Mbandaka. Tango akitangi na groupe scolaire wana, akomi na 4e secondaire. 4e secondaire, ba benganiye na classe. Tango na bandako benga omba école moyenne, ba benganiye na classe. Aki musala soda na 1949, abimi na musala soda na 56. Ba benganiye na classe, po ake nagi konje, na kichasa al epok, ezaki... Fili ya masumu. Epok po la basango, ezaki fili ya masumu. Ya kei konje na kisasa, kamaradi na ye ketebi, afundi epa ya basango, basango ba benganiye. Ba benganiye. Loko la, ba na oba zaiko tanga teba yoko tanarme, yangwa nanda koti na arme. Ake na arme, et peut-être détail mususu tango azali na arme akukute na noloba ki azali ki na ba kamarade mibale ba masuwa na ye Somao Nankulufa me na zanga ye koloba akuta na kipe na kati arme na Pierre Mulele na Mandungu Bulanyati bango pe bazaki na arme na tango wana. Donc sikoyo tango asilisi arme abimi na 56 Mobutu abali na 55 abali mama sese na 56 abimi asali musala ki journalisme pendant 3 ans oyo akomi à peu près plus de 200 articles na 144 semaines donc abane ko koma mingi accueilli na poto na 59 59 akeko na akeko sala stage ki journalisme pe a décidé a mi komi a mi kotisana Institut supérieur d'études sociales na Belgique. Mais comme basengi équivalent ya diplôme d'état za la ki nangote to moni ke mbuto za la ki autodidacte mais suka ki na 4e secondaire. Donc comme za la ki nangote balobi moye bazoyo ezate ti baebi che possibilité zali il faut ça la test concours moko devant jury soki ba moni niveau na ezali wana koti na institut supérieur yango na mobutu alekaki avec brio examen wana voilà comment na 59 mobutu a koti institut supérieur na Belgique et puis to monaki na table ronde salami mais sikoyo peut-être trois détails moko na sota ki na profiter ko zongla leo parce que ça a importance nango na séjour na yena Bruxelles. Et premier élément ezali que tangu bakangi Lumumba awana Kisangani Mobutu azali représentant ya parti ya Lumumba na Belgique Mobutu akomene ba démarche okene okutana tina évêque moko ya Belgique akomene ba démarche et aboutir Mobutu atindi deux avocats ya Mindele pour ba ko défendre Lumumba awana Congo wana avant indépendance na 59 Donc Mobutu a vraiment il s'est vraiment démené pour nako celle de sa chef naye. Et loko ya mibale ezali likambu ya les relations entre Mobutu na ba service ya renseignement ya Mindele. 1. Est-ce que Mobutu azala ki agent ya sûreté belge ou babenga ka sûreté belge ANR voilà ANR natangu ya époque coloniale. La réponse à cette question que ezali oui Mobutu a collaboré azalaka agent pona nini ye moko mukolo moko na conseil des ministres il a implicitement reconnu cela bon déjà il avait avoué ça à Lumumba et puis menakata conseil des ministres mukolo moko bazolo sala débat Mobutu a eu parole à lobby ba journaliste bango nyonso bazalaka ba espion je sais de quoi je parle, je l'ai été, hein, ngai moko na salaki yango. Donc voilà pour nabato confirmer que Mobutu travaille avec la sûreté belge. Et puis wana à quelle époque? Wana tangwaza ki nani? Journaliste. Tangwaza journaliste. Kuna tangwazo tanga kuna to awa. Awa na Congo, awa. Na Congo. Awa déjà. Donc tangwazo koma na journal l'avenir. Ko ba politicien wana. Eh. Il collaborait avec la sûreté belge. OK. Hein. Na siko tangwa komi na poto, il avait des contacts avec la Belgique. Mais si koyo question subatunaka, quelle est la relation ya Mobutu na CIA, service de renseignement américain? Mobutu akutani na Larry Devlin na 1959 na Belgique. Larry Devlin ne akoya kukoma chef d'antenne ya CIA awa na Congo de 60 à 65. Larry Devlin wana a commis mémoire na azali ko témoigner. Alobi voilà, alobi deux choses. Non, trois choses. Première chose, première fois, nakutana Mobutu ezaki na Belgique. To sololi na ye, to sympathiser. Deuxièmement, na Belgique wana ba américain batindi ba officier de renseignement na bango parce que Congo elingezo indépendance. Ba américain balingi ba ye ba profil ya ba politicien congolais oyo balingi batikala na mboka parce que pour na ba américain Congo ezali loko moko très très important, il faut ba ye ba banani ba kotikala mikonzi. Voilà comment batindi ba expert na bango baya ko kota na ambiance na ya table ronde na Belgique wana ko banda ko ko luka profil psychologique na renseignement ba benga kango sala ba fiche hein mutro mtaza na fiche na ye. Mais Larry Devlin na lobi ce qui était un peu étonnant six personnes toke mutuna mutu a sololi na ndenge na ye toye ko débriefer na pokwa. Mais la plupart, il y a bisonyonso, six agents en a. Bisonyonso, tu remarques garçon moko oyazali mayele, azali na potentiel akoma mukonzi. C'est Joseph Désiré Mobutu. Sans se concerter, mutrumte na ba note naye a remarqué que Mobutu azana ba service donc ba checker profil ya chacun. Ya Mobutu na mutu, oui, voilà. Balobi. Par exemple Bumboko ba ko inviter na restaurant solo le nzoka mutu ako checker yo. Nendaka voilà, ils ont fait le tour. Oui, basali tour à la politicien. Il y a un politicien. Ce soir, bazo débriefé. Bazo débriefé, bah remarquer que Mobutu. Autre chose. Mobutu a un potentiel. Voilà, il a vraiment. Alobi te kayen le mutu. Non, il a le potentiel. Il a le potentiel. L'un des agents d'ailleurs, Alobi, il est un peu immature, mais c'est un garçon intelligent, en mûrissant, à Koko Mamukonde. D'accord. Et puis, dernière chose, pour nous silisa les cambongoy à CIA parce qu'il tambola mingi pour nous silisa c'est bon. Oui oui c'est bon voilà juste voilà je rappelle qu'on est en direct donc oui. Voilà petit problème de micro résolu problème voilà technique. Et Larry Devlin oya komi ba mémoire naye kana mingi te voici ce qu'il dit. La CIA biso ba américain to collabora na Mobutu mais atikala kozala agent na bisoté. Voilà les cambia sûreté. Troisième élément, na habité ce tobeta ki ngou mukolo moko Kamitatu. Kamitatu azako président réunion à front commun. Ils ont un front commun zali nini tango ba congolais ba kekou na ba délégation ki na Belgique pour na table ronde ba étudiants congolais entre autres Marcel Yaou ba ebisi ba politique congolais ceux qui vous a divisé ba minde ba monne la bino il faut bossa la front commun ba sali front commun webi ka ba congolais ne bazalaka ceux qui tomichi et c'est comme moko mutu sa komi komi mona yaza prêtre alingaza la président. Bon discussion ba ko se mettre d'accord tozoka ka o l'équipe son mbula a comme président front commun c'est comme ça bazui vieux Jean Bolikango Bolikango comme wana ba banani ba délégué congolais na table ronde. Bazu Bolikango. Bolikango président front commun. Yenda comme une porte-parole hein. Il y a ba congolais nyoso. Exactement. Okay. On est toujours ba parole en désordre, c'est Bolikango. Azaki le plus âgé. Azalaki mokolo ya Kasavubu. Wazali mokolo ya Kasavubu. Bolikango na yema aleka ba nyoso na mbole. Okay. Je crois qu'il avait une cinquantaine d'années parce que tant wana ba nyoso za ba jeune hein. Kasavubu est dans la quarantaine. Déjà, donc yo sokoza déjà na ba 50 ko mokolo na ba nyoso. Donc voilà comment ça se passe mais si koyo pour na boyena plénière ya table ronde il faut que ça la ba réunion préparatoire bo harmoniser ba point de vue. Ou le bando ko se contredit na kata réunion. Cléophas Kamitat mokolo moko azo présider réunion wana ya préparatoire. Alobi naza wanavye obete langa le solo alobi naza na kati ya réunion nata la porte fumwame garçon moko boye bogos akoti alati kitoko akoti abeti nenda kana lipeka abendi kiti avandi ngana tuni ngana zo président réunion ngabi s'il vous plaît ndeko yonani alobi ngai nazali délégué à MNC Lumumba na ko représenter parti na biso kamita to tuni est-ce que yo tangaka oza étudiant na poto. Aibise oui ngana tanga kana poto kamitato lobi malheureusement règlement intérieur na biso ya front commun et lobi que étudiant congolais nyonso na poto akoyiko ako participer na ba réunion na te parce que zaibi ba réunion stratégique on soupçonnait les étudiants congolais na poto baza la ba agent ya sûreté belge hein parce que na kopesa ba information pas mindele kamitato aibise obima big aibise garçon na bima kamitato garçon nga zo bougeté alobi soko bimite na zo kata réunion nendaka abaluki atali camarade naye aibise Joseph je suis désolé il faut bima garçon nga telemi c'est Joseph Mobutu abimi na contre cœur a beta porte na makasi ya kei donc première fois kamitatu mona Mobutu abengana kai na renyo bon siko wane leki na kuna donc toye komona siko Mobutu table ronde sili Lumumba gagné ba élection, Lumumba bengisi petit na ina diaspora, nenge fachi bengisi ba kamara na ba zaki na poto kwa baya. Lumumba pa lobi tozu pouvoir yaka awa mo voilà comment Mobutu a côté na gouvernement, vice ministre près de la à la primature, na ba terme lelo. Mobutu a comme vice ministre et puis to mona ki yango ba soda ba tomboki le 5 juillet 1900 60 ba soda ba tomboki parce que bango balobi général wa ya belge azoko konza bango a komi na tableau après l'indépendance est égal à valeur l'indépendance ba tomboki mitinerie bandi les 6 Lumumba lobi non yo général Yansens yo muto pelisi moto wana na bengani on arme a bengani Yansens le 8 akei le 8 parce qu'il faut rappeler que Lumumba na Kasavubu ba sengaka malgré l'indépendance, Mindele Batikala, na armée, ba encadré. Na ata aner, commandant aner atikala, colonel Van de Wel. D'accord. Aner zaki belge, armée zaki ba belge. D'accord. Mais suite à mutinerie, on a 5 jours après l'indépendance. Lumumba le moli yansens. Siko batu alobi non, quand même topo na to sala lokola ba ganayen. Kwame Nkrumah sala kandegeni. Tango ba Mindele bakeyi, Kwame Nkrumah ajou général Moko Boye, général Alexander, un Britannique. Abi papa yaka usunga biso ha. konzela biso armée en attendant biso to formé mutu mo pe abimisi de wana oyibika ba congolais biso zaka na marque na biso ono toza mikolo di bakende to se débrouiller to se débrouiller ndenge ni Lumumba eko se rappeler que petit na ya confiance petit na ngai désiré yo sala na armée o soka na grade ni sergent sergent comptable bon na matisse au grade au comi lieutenant colonel et puis voici phrase exacte Lumumba ebisa ki Mobutu toi tu as fait l'armée na kota na phrase ngwa Joseph tu as été militaire débrouille-toi tu sors de la salle tu vas chercher l'uniforme d'un colonel Abi Bima, on a encore conseil des ministres, hein, tant que nommé Abi Bima dit qu'il n'est pas débrouillé. Chef d'état-major, mais mon conseiller général Ondula, il est à Koma. Mère Yali Kasi Jadoville. C'est quoi pour Yaba Mindele ba bloqué Azaka infirmier, hein? Ba bloqué. Donc Mobutu Moutatika numéro 1. Ah, voilà. Pour titulaire. Titulaire Aza bloqué. Donc Mobutu courageux, Abani Peke, hein? Par exemple, Yé Moukolomoussou, Yé, na colonel Marlière. Colonel Marlière, Ndazaki, chef d'état-major Yasolo, hein? Autant que belge. Tant que ba nommé Mobutu. Colonel Marlière a comme conseiller technique à Mobutu. Donc a comme Nassé à Mobutu. Bangomi ça tu na Diomi non Gaston Diomi. Gaston Diomi yena na 1960 azali vice-gouverneur ya province à Léopoldville. Titulaire awe azali à l'époque province à Léopoldville azali ville ya Bandundu province ya Bandundu ville à Kinshasa na Bakongo. Yango na banda ko benga province à Léopoldville gouverneur nani Cléophas Kamitat. Vice-gouverneur Gaston Diomi. Gaston Diomi, Mobutu, colonel Maré, bas hélicoptère, balobi, bas soldat, bas tomoki na Mbanzangung, Tisvine. Bangomi sa toi, Mathieu. Gaston Diomi, azaki nani par rapport à Diomi Ndongala. Gaston Diomi, aza. Nokonae, to papa. Non, on a quand même aza. Tatale, ou quelque chose. Baza, baza. Oncle. Oncle. Ouais. Voilà. Je pense aussi, je m'abuse. Okay. Donc, Gaston Diomi, qu'on appelait Diogas. Diomi Gaston. Diogas, ba matin kati hélicoptère, ba komika ka likolo ya ka ardina mbanzangongwana. Ba soda ou ba tomboki na ba ndeko bete hélicoptère masasi. Donc Mobutu ba sali demi-tour, ba komi awa ba kiti, mais ba komba zayi ba courage, ba lobiton hélicoptère eza risqué, ba zui voiture, ba zongi, Gaston na Dio et Gaston Diomi na Mobutu, Mobutu pe a solé na ba soda a calmer bango. Et pe si e confiance. Azungia, baibu sana kanga kokolo kunape Mobutu mabule bani, Mobutu pe akina kanga kokolo. Malheureusement pona yeye, akumi na kanga kokolo, na kati ya initoa na kio kukuta, ba kamarende ya galatika kana kati arme ba rekonetre. Babi Mobutu yoli kamini, abina onga chef de état major jana, na kumi colonel, eme Mobutu arme angobi no boku mosaka na ngobi nini. Ba bandi kubeta Mobutu. Ba beti e. Oui, ba beta Mobutu. Sango est comme par gouverneur Cléophas Kamitat. Que chef d'état-major n'a pas de bouteille ou non. Bah, au bon moment, Cléophas Kamitat a dit Moutouka. Tant qu'on a gouverneur, tant qu'on a Moutouka, n'a pas de fagnon, hein, moi de rappeler. Donc, Cléophas Kamitat a dit à côté de Kankokolo, à qui on a battu, on est gouverneur. Les camarades, on a mon bout de ma belle, chemise et c'est pas ce qui, ma guilla partout. Les camarades. Cléophas Kamitat a tombé à Bassoda. Abiba Mindele Bakei. Il faut tous s'organiser. Mais quand on a un peu nommé, problème dans les années. Kamitat a zombé au bout de la tienne, en tout cas, chef d'état-major, quand même, à Koké, maman, il est monté dans la chemise à Kopasuka. A même bien d'Ako, et puis si, moi, c'est bien que ça, mais c'est pas soigné. Maman, mon boutou, à mon indéni, Kamitat, il est mon balinaye, chemise à Kopasuka, na makila. Et le Kouana est sauvé vie à Kamitat, on a 66, au Zombé là. Donc voilà, mon boutou courageux. Mais il va avoir quand même un problème. Mobutu Kasavubu na Mobutu ba décidé bango pona okende okalmer ba soda parce que ba soda ba tomoki siko mboka mobimba. Pona okalmer ba soda Kasavubu na Lumumba lobi bono biso toke direction ya Bakongo hein toke no calmer ba soda kuna Mobutu lobi tengaye na ke na Équateur hein na sala tourner na Équateur. Mais avant ma kende moi accrochage moko muke et bandit déjà entre Lumumba na Mobutu. Accrochage à Nini. Lumumba a une idée moko yelié. Alors, pour nous calmer, est-ce que tu peux autoriser le chef de la banque? pour le monde tanga mingi atanga na révolution française erimo banda sa élection mi continue idone yelié abiske toke ko autoriser te mbuto le non ça c'est de la démagogie comment pour que nous célébrer l'élection quand il armée beaucoup perdre autorité et puis et koko ta anarchie mbuto akanisi discussion na le monde suki wana mbuto nanda kuné afumula radio boy premier ministre a annoncé décision abi voilà na sengi na basoda nyonso beaucoup eko ko célébrer l'élection bobando pona mi konzi na bino. Donc voilà comment ba élection bandi ko sala manaka tia bakan élection on peut so sala mandenge nini ba soda ba vandi boy candidat officier o lingo ko ma commandant o leki liboso o banda ko imiter ndenge ba belge bande ko commander net major van der Boom hein o zu o tomboli torche o simi bâton de commandement o bando tambula liboso o ko pesa ba ordre ya on de discours de campagne eh balobi te yote bande ko sala ndenge onate yote musu so leki. Oh, les bons comédiens, ils ont élu à commis major. Donc ça veut dire, comme discours de campagne, ils ont raconté. Ou imité. Ou imité. Donc écoutez, si pas. Donc voilà déjà, Mobutu na Lumumba, moi, ma différence, c'est Bando Kota. Si Koyo, Tango et Bando Kota, Mobutu y a idée na yalobi non to ko iko promouvoir et idée mon social Mumba ça le Mumba soit qui peut décision à lobby ba soda nyonso na matisse libino ba grade grade moko hein avant ba élection grade moko soko za soda mo ya pamba soda molongo au comi caporal soko za caporal au madi sergent soko za hein, ainsi de suite donc on a payé salami mais ba soda ça les a pas vraiment calmé yango ya ko bi msaide siko yo ya ya belection sikoyo Mobutu akene Equateur kuna abandi ko sala ba tourner et ba soda ya intérieur par exemple na Irebu Mbandaka Ikela Bwende bazomona pour la première fois ba mona colonel la mutu mwindu colonel la mutu mwindu parce que na époque coloniale colonel la mutu mwindu azakate Mobutu azosona bango azo calmer bango mais Mobutu akoya kozonga Kinshasa le 16 juillet 1960, après tourner na Iwan. Tango azongia wa surprise yeko kuta, ayo kuta surprise mnene. Surprise ango nini, ba yeko informe Mobutu, non, deja situation, situation nano ya mboka. Situation ya mboka, yeko sala mandengi nini, le 7 et le 8 juillet panique moko yé na Kinshasa na communauté Mindele a pour Mindele tant que jeune indépendance batika la kinabango ebelé panique ango rimer etamboli nini balobino baris basibaye invasion ya baris pona nini batu bake komona avion moko baris na aéroport anjing donc avion ne komana depuis une semaine batu bateka kate sangwe komi na ville ba ke baris ba koti ba envahir Congo ba belge panique en une nuit. En une nuit, 6000 Belges bakati fleuve baké na Brazza. Pani, ils avaient peur. Ok, ma balobi ba soviétique baye. Ba soviétique baye, biso ba okanga biso ba boma biso. Donc en quelques semaines, 30 000 Belges ba longwe Congo ba kimi, encouragés par Bruxelles. Avion n'est qui na cadre ni. Avion n'est qui na cadre à coopération parce que Lumumba tokomona ngo asenga ki pe lisungi Lumumba na kasabu. Basenga kili sungi na baris na kadre nini tokumona ngo metango baluke di bango kasabu babete za ina ete Lumumba donc ba fonctionnaire bakeyi ba technicien bakeyi ba salarié ba privé na ba planteur voilà comment 30 000 Belges bakati frontière bakeyi na bango suite ya ba rumeur wana ka likolo avion wana ya avion bon Bruxelles pas zo encourager Bruxelles a zo encourager nini parce que ba Belge en fait ba pesa biso indépendance na contre guerre ba lobi bolongo kuna balingi kao hein parce que to zana ba kadre te kao ko salama ba to ko senga bango bazonga voilà ezaki de na bango wana mais si que le 9 juillet na Lubumbashi ba soda ba mité wana ba bomi 5 Mindele donc consul ya Italie touro ambassadeur Italie mutakovina na est tango ni za consul ya Italie na Lubumbashi ba bomie yango wana le 9 et ensuite quand ya kanda ba militaire le 9 juillet Bruxelles et PC ordre pourtant to jeune indépendance ba soda ya Belgique ba tika la kia ba banda obenga bango troupe métropolitaine ba zaki na Kitona na Kamena mais kotika la batika la kiona to yokani na accord ya coopération ba soda wana ba ko intervenir na Congo sur accord ya gouvernement congolais ministre de défense. D'accord. Merci. Torozonge la to telemina no wana nungu nungu na armée moi désordre wana suite ya mutinerie aux qui provoquait voilà. Après ba propos ya Yansen général Yansen a bien avant indépendance égale après indépendance par conséquence nengo etc. Nengo Mobutu ba nommé chef d'état major adjoint tokutani na sima ba sango na sima ba sango na lokota lingala pona kokoba parlons histoire ya mokolo alelo suite et fin ya histoire ya vie ya Mobutu. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Congo Central na Luoz. Pour l'angai Brest, je vous appelle depuis le Brésil. Les gens ne savent pas. Ma décision, oui, la police est à Olage Bazui. Ça va décision, mon roi, il y a bien. Il faut battre ça en action, puis il faut passer à suivre. Au cours de la pharmacie, go est alité, plafond est alité, et puis chaleur, mieux sur moi, il y a mon pharmacie. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Que dit la loi? Mon bébé. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awa nde bokozwa biyano na mitona na bino pe ndimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka e kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Top Congo FM, toujours imité. Radio d'information en République démocratique du Congo. Radio Top Congo FM, Tokutani Biso, le Nopo Pesano Bassango Kota Linga, la Bisika Biso, Bisomino Poyakulanda Biso, Topesi Binombo, Tepeto Tombi Binombo Ebolam. Top Congo FM. Makamatari Bozangi Masango, Katia Katanga Peka Saim, Bulamatari Ecolaire de Sekani, Pesumokano, Yakopeki Saite, Makamatari Bufuti Pako, Yakosali Matepo, Yabaibans, Makosala Makamatali, Bokotisi, Masango, Katia Ecolongo Democratique, Yakosali Malisu Sute, Pibaka Sekin Kokotisa, Biloko Bisengel. Koko na matope ba intrant agricole bango pe ba kofuta mpa kote po ya basanza motoba sangwe pesami na molandi ya ministre Wayambo tope vice premier ministre ministre Atali Mwambi ya ekonomie nationale lokati ekolo ya RDC Vital Kamerhe ya zomba ki ubose ba panzi sango lubuleki Top Congo FM botambuli ya lamuka yango ekosale masi mokolo matuku mibale ya sinze tozali na yango zokande bayi bilenge ya idopes bango pe bakani kosala botambuli ba bango mokolo matuku mibale ya sinze tozali na yango koko kuzara makasi penza po ya bayi la muka pe bayi bazali kolenge la botambuli boye bango batali siete ezali matumbo li pambate bango bazali ki batu bayambo ndi azali kobelela po ete makambo batali mobulu muka kosale mate ndi wana sango na bokuse. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Myriam Boketchou. Bote na bino banso, sango etu fungo la yango makamatari mingi penza, mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki, e izu mokano ya kopesa po ya basanza motoba, ndelo ete makamatari mingi penza, bufuti simpanko, ya mwiku wa kusale mate, okati ya ekolo Congo Demokratiki, po ya baiba singeli kuhuta na masango, okati ya bikolo bapa ya piko ingi sayango, okati ya ekolo Congo Demokratiki, longo na bankona, tope bawa entran, elongo na bisale tupe bangin po ya kubalula mabele okati ya bilanga ya ekolo Kongo Demokratiki bango basengilite kufuta mpako po basanza motoba mokano muzami na mbulamatari ya ekolo RDC kasi yangu isakulami na bulandi ya misi ya yambo na tele mambi ekonomi ya ekolo RDC Vital Kamere ya lubaki maluwa mailubu leki ubosa wapazi sango po ya kuluka kupesa biyano bisengeli po ya kusilisa kokoso ya buzangi masango ezwami ukati ituka ya Kasai pe ituka ya Katanga bongo po ya bango batali siete bango basila kibongo kuzwa mikano mie po ya kusungana bae mimbongo bako kukoti sabiloko ya bango ya ofili po ya kusala iti mutuye ya masango ikuwa kukita ukati ya ikono Kongo Demokratiki kasi ungambo ya Wilfried Bukasa azali bongo moko kati ya kambi ya feki po etuka ya Kasai atali site mukano muzali malamu penza pe kusunga mbula matari na pe baimbuka kasi sengeli kufungula miso po ete kwa kutusama ukati ya bandilo tupi ba frontiere ya ekolo Kongo Demokratiki pe bikolo biye masango ya sengeli kwa utato yokaye tozo senge naipa ya ba autorite ba meka kolandela ba mezuru bango bazui autorite ba kogu kozala na mutema malamu parce que bazali préoccupé pour bien-être ya population kasi bao bazosala na bango musala au niveau ya application ya ba mesure bango bazui ndesika mukakatano ezalaka bao bazo appliquer ba mesure bazalaka na ba manœuvre na bango bazala na ba pratique na bango ta mususu ole balandela ndenge esprit ya ba mesure ya ba kozi bazui bao ba kulinga le application na ba komo ba kema ka mususu et tu vois ceux qui commerçants tam sou zali informete akutani na mbatu andengwa na liboso na ye yazo bonda po makam biloko na ye ebie kende e comme ici kazo azo kende nango akulinga tikwa sefle a fléchir devant ba capricio ya ba jao bazali en train de faire appliquer ba mesure ba cause ya wana tozo se ba cause ba mekana ko landela pe application bazala attentif bazala pe na ninga ko landela de sorte que balise à la sûre que application à mesure na bango na ndenge bazoli esprit à mesure wana esprit wana pe ezala dans l'application pour espèce biso bambo mamalam donc décision na eko sunga ete masangu e kita na province ya Katanga pe pa na bino na Kasai eko kita po moni masangu lokola na Lubumbashi sako ya 25 kilo ya fou ya masangu ezalaki deja ti ba 80,000 soki biloko ekoti ebele ekokita pe penza ekozongela bapri nango wana kaka ende mo na Grand Kasai boti kulanda wana Wilfred Bukasa azali bongo mokambi ya fek po ya etuka ya Kasai bongo tolobela mingi penza mokanda moye bai opposition basid bongo kokomela bai Banque Mondiale na pe bai batali mambi ya FMI okati ya ekolo Kongo Demokratiki po ya koyeba bisika wapi misolo ya ekolo Kongo Demokratiki eyekota kokati ya bikolo bapaya po ya komema botombwami na makamatali bomatisi to pe development okati ya ekolo Kongo Demokratiki katiki misulo yango ikukindaka wapi bongo ngambo ya yoko mukanda muhimu tsemi manzaka na Martin Fayulu matata ponyo delice sanga pe Moise Katumbi bango bazali kosenga ete mbula matari ya ekolo RDC ikoka kotalisa na polele na ntina ya likambole ngambo ya Francis Kalomo Mulobeli ya Moise Katumbi atalisi ete makamatali misulo misengeli koyebela mapolele pamba te ezali banyongo ekolo RDC ezali kozwa pe kozongisa omikomi ezali koya Francis Kalomo problème ezali boye pamba te situation ya Congo ezo changer te banzele zo sala mate et loko moko te zo sala ba même biloko ya pamba ko organiser kaka je ya franco produit ya pamba bazo ko kakutisa ba infrastructure te c'est comme ça que il est tout à fait logique ba ko ko interroger bango na mboka oye ya ka ba sala audit ba ba bomo ane zo kede wapi ya covid a to bona biso moko ndenge sala donc il y a tout à fait logique moko que j'ai la magande voilà c'est tout à fait normal ba leader ba tuna ba audite yango ndenge moko IGF bazo audite awa azo découvrir ba détournement tongo bidi poka malgré ba kanga ba tute il est tout à fait normal bazo a conscience que mbongo ba pesa na Congo ke na wa papa te za nyongo Congo ko zongisa ba leader et opposition bazo soupçonner gouvernement congolais esa question ko soupçonner te esa question ya boye ba mbongo ekota ka ke na wa c'est tout à fait normal mais ba sala cour de compte awa pona nini pourquoi ce qui mbongo ya Congo esa logique oyezo uta libanda eza la logique te mpona nini bango mpe baana nini na bango ya audit torappele bango kaka ke bazopesa mbongo fruit nango ça fait des années tozomona yango te bamekaka mpe koodite bayeba mbongo yango ekendaka wapi parce que yambongo ba imbo katozokota ba nyongo. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo, oh yeah. Top Congo. Top Congo ezwami na Bumba na ituka ya Mongala. Oh yeah. Na radio Lisanga Bumba 107.2 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo. Mon côté le basse dans le baquette, mon colomba tout me balé. Il y a 100 tous les liens, tout mon colomba poste, mon tout me balé 20 mai. Vous savez quoi, baïté, il y a un baquin chassa, mon boulot, mon cookie, coco, ma pambate, et c'est un bouton, boulot, me balé. Il y a un goût salima, au kati, et colombo démocratique, pambate, bakambi miné, et opposition, bango, batalicite, bango, bakoutam, boulot, le monde, baïmboka, bongo, le boulot, le ki, baï, lingomba, et bilingue, il y a idopé, c'est bango, pé, batalicite, bakoutam, boulot, c'est mon colomba poste, mon moyen, pour y accouter, la makao matali bozwami ya botomboki ya batomboki ya M23 beba sungami na ekolo Rwanda kati ya kati ya mwenye la ekolo Kongo Demokratiki bongo ngambo ya mukambi ya lingomba ya ilenge ya idopes bango basira kibongo kukomela uto mokolo malubili liki ote devide ya ingomba Kinshasa po ya kosenga na ye eko kabongo kutinde la bango bapulusu po ya kubate la botambuli wabango sangwe pesami na metra mukengishai mukambi mulandi ya lingomba ya bilenge ya lingomba politiki ya idopes kasi ngambo ya baibazali kolenge la botambuli ya opposition bango batalisite bakupusa soki mokete botambuli wabango bongo mokolo matungu mbale bango pe bakoza lokati ya babalabala sangwe pe sami na prince epenge ezali bongo moko kati ya bai opposition toreportaki yango pamba te ngobila alobaki ete jacob ya IDPS lisanga bonganga bana marshal mokolo ya le 13 arme congolaise ekosantraine mokolo ya le 13 comme hasard alobaki ete bakuluna ya kisasa nyonso bazwi falanga alo pona yango yango to reporta ki to baki pona ko luka makambote to tike la bango mokolo le 13 ba marche ba sala bango balingi yango to tia ki marche ya solo mokolo ya samedi ezali ko ya le 20 mai sikaba to yo ki li so ete IDPS alinga tia marche na ye alanda pe biso opposition a tia marche na ye le 20 to ke te batu yango bila pe ba yiba tia marche na bango le 20 mama eloko ke bangi sabiso ya lite wane ya lima ya moto etumba ke lambate ezali makambo tomona atango ya kabila ndenge pepe da banda ko sala yango ide tata ko sala lelo biso na opposition mokonzi ya mboka marte fola sala obete ba mata ba kita lokwa to reporta ki mbala liboso ya mibale oyo mokolo ya samedi oyo le 20 mai ba mata ba kita butwe yinda to yinda te mbule beta te beta te ba na banse ala muka ba na banse opposition toko tambola le 20 mai au samedi contre nzala nzaye le ki contre insécurité pe pona koluka ete maponomi o ezali koya ele kamalamu motuna na mbala moko bayimbo ka babeleli na baye bazwa ka mikano mikolo miso moko ya bayoka kotuna motuna na baye bazali na biyano 085 210 11 11 motuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango boko kisanga na ndako ya mama Cécile Kiyombo syndicaliste ya EPST bonjour mama Cécile vraiment bo pesi biso ba promesse awa wana mois d'avril ke ba enseigna boye boye boye boye boye nyo so bino moko bolobia ki boye ba ki yango me lelo to komi na mai le 10 mai to zomo na ta suite ke pe bo vani na bino kimi ata eloko moko te bozolo ba ke ba enseigna bo tala so ke realiser te réseau za boye boye rien bo komi ba défenseur to pe ba avocat ya union sacrée ya ministre wana do posa ba enseigner à l'aile ni pe bino pe bozo soutenir ba maçon joano bendenge ni mama est-ce que to pe fe bino confiance ou pe to pe fe bino sou confiance te syndicat zali ennemi ya gouvernement kasi toyokanaki na mbwela ye bakofuta kobanda na maternel tina secondaire na humanité bakofuta 16375 enseignant NU bakofuta baretraité bakoreajuste premi ya balakisi ya bitero ya mike mpe bakofuta prime de brousse mpe ya balakisi oyo bafandaka na basecteur mpe bateritoire mbongo wana esengelaki efutama na lifuti oyo bazali kobenga pei complémentaire me mbongo wana efutami te me bafuti kaka 800 million mpona baoyo bapreparé dissertation sesi tuyo bozali sekretare général ya sieko bayebisi te bafuti te mpona nini bazali koloba mpona ya nini te le col à baye bisimote, ponibu bokenaiko, yebisa, ba affiliate minotete, ba footi bisote, balobaka, naeano na maboko, et signale sikawa, toni bongisa, wami bongisa, ezaliko kende liboso, yabilo, ya ministre ya yambo, comme ça yabima, nanyebisa bisopo ya nini. Nous, ma chef à syndicat, vous êtes au Lakabala qui cité, bah, vous êtes sans abri. En septembre, vous l'avez quitté, bah, vous moi, bon, et salamité. Et comme il y a le bino, vous allez, et l'ongona gouvernement, bino. Papa, na septembre, il y a un moula, oye, kaki, bah, l'obaki, bah, vous pèse ça, 20 000, oye, tikaladi, à roubaki ça, na 30 000, y'a du bosso, y'a moula, oye, le kaki. On a primé, y'a balakisika, y'a habité, y'a mouki. Bon, wana, bapisika, na 7e mois, 8e mois. Tant que tu es pour ça, la makelel, na 9e mois, bah fouti les sous yango, et bon, et tikali pour na 10e mois, 11e mois, na 12e mois, bah lobby, son qui bah si l'ici n'a pas eu complémentaire, bah rien pour fouta yango. Ma bête n'a plus de salité, bino, bozoko, mon atema kamiko kotamboulate, kasi pour l'année ni koebisa, balakisite, a vze kotamboulate. Papa Nangai, bon, je vais vous dire, avant que coma le 25, tu vas belle là. Bon, la Motuna na mbala moko, baimbo kababeleli na baibazwa kamikano. Mikolo miso, moko ya bayoka kotuna motuna na baibazali na biyano. 085-210-11-11. Motuna na mbala moko, lolenge na bino ya sika ya koye baba nsango. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Bande kobalandi to ceux qui s'y abasango le côté de Lingala pour yambozanga mokolo molelo di dibintika pe Patrick Mungongo bazala ki na nzela ya YouTube na songo maki na FM na Chris Vivula bino webula de kibiso na bokebi totondi bino botondi. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080-812-0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Et oui! Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awa nde bokozwa biyano na mitona na bino pe ndimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka ekolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Yoka Lokitoyo. Torobetane li solo ya 19 ans. Ya Top Congo. 88.4. La fréquence utile. Oh, kotika la kaka na ignorance. Maka mwa mazali komo nanae. Boba tembele kayo. Ipe na zalaka loko la yo Toka na zalaka nemo bayaye Lelo mayele mangai mafumami Christian lusa kweno Moka koso kende liboso Zela ezali na inu mola iye Disneva e mula zomi na libwa e koki Top Congo ya solo ozali la frekanse utile Top Congo e radio ya ma generation Yo sobondi melangai Akanga masolo, mokili mobi makaka top Congo e Disneva e to sepela e, Disneva e to bina e Oyo suka ya masolo, beli kanisi ya mwana mboka Erika Mbago, Dominique Dinanga, Marcel Kitambala Cheri Kambundi na Roger Kalala, boye bisabango e batika, batika ne batembe Obi soto tomboli deja bendele, bendele ya lokumwe Neva ya Top Kote Ophil Lusakweno Mama Elizabeth Lusakweno Paul Lusakweno Osepela Bako tika la kaka bongo Diso tozali seko kende Dina 2009 Tala kati ya moto bazali koyetola e na mopanzi Top Congo ezali kobeta e Sylvie Meya, Miriam Miraki na Cécile Ngomba e Zela ezali na inu molayi e Rémi Moulingati Disteva e Mbula zomi na libwa e koki John Konde na Jacques Ntinga boka bali solo e Top Congo e Radio ya ma génération yo so bondi melangai Krasile ma oyoka e Top Congo e ningi si mokili Disteva e to sepela Oze manzata yo kangai Oyo suka ya masolo Beli kanisi ya mwana mboka Cyril Milandu, Bero Matanda, Merveille Mokelo Top Congo e, Radio Yanga ya yo ya ya ya biso baso Didi Binseka, Tuku kende na bango likolo Bobi Soto tomboli deja bendele, bendele ya lokumwe Disneva ya Top Congo Tu ebisa ki chef de l'Etat, ati na mutu nansan, lo asomba kama radio amuke, asomba ki deja Nanda kwa ba politisien tu kutaka, nanzela, namituka Bisika nyoso, Top Congo, toujours Nathan. Disneva oya Top Congo, iye mamaye. Bango nyoso bako mesana, iye mamaye. 88.4 frikase oyo ikaka masolo. Oza la première chaîne ya information na katango. 88.4, la fréquence utile. Disneva oya Top Congo, iye mamaye. Isabelle Mwengo 88.4 Frikasi Oyo Ikaka Masolo Oza la première chaîne d'information Eric Lukoki Yoka Ata koutou mwana ya mouke Akoki kobo sanangote Ban Top Congo FM Toujours imité, jamais égalé Passion, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Pour la Ngaï Brett, et je vous appelle depuis le Brésil. Les gens ne sont pas. Ma décision, oui, la police est à Olaj. Ça va décision moko ya bien faut battre en action puis faut pas ça suivre au cours ta pharmacie égalité plafond égalité que chaleur mieux sur moi naïe moko pharmacie ya tout parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Deuxième partie, Eteniami Balé Amanaka, parlons-en, ya mokolo, ya lelo. Lelo tozo lobela histoire, lokola tolo belaka na mikolo nyoso ya mibale, et lelo tozo silisa lisolo ya bomoyi ya Maréchal Mobutu Sese Seko. Suite et fin de la vie de Mobutu Sese Seko. Tolobi suite et fin, et la kisite ke to rozo ba détail nyoso, tolobi ango, parce que mission na biso ezali continuité tango tolobela ki période ba période rappelez-vous de 60 à 65 de 65 à 72 ainsi de suite tolobela ki déjà ba fait marquant il y a histoire pe a parcours il y a président Mobutu voilà tout cela ti nenga ki na exil tolobeli utenika 1 utenika 2 tolobela ki nyonso wana bon les autres rozoa une partie et que compléter partie ya ya mbotama na epe ya nenge ya kolaki ndeko toma luaka tozaka na contexte ya agitation oyo Mobutu azuli pouvoir azuli reste pour kondi armé donc sikoyo le 9 de lobby ba bomi ba mindele na Lubumbashi le 10 ba belge ba décider le 9 ba belge ba décider ba actionner armée na bango ba troupe métropolitaine na bango ba pesi ordre na ba troupe oeza na kamina et ya ko occuper Lubumbashi. Yango wana le 10 juillet 1960 contingent ya ba paracommando belge ezui contrôle ya Lubumbashi. Alors que accord to signé na Belgique ba troupe ba belge on ekotika na Congo avant ba bouger ba sala opération na Congo il faut autorisation au gouvernement. Gouvernement congolais a qui kouta ta informité ba yoki kaka les troupes belges ba occuper Lubumbashi. Tant que ba belge ba occuper kaka Lubumbashi les 10 les 11 lobinango Tchombe a proclamé sécession ya Katanga. Alobi Katanga appartient à l'Elo, elongwe na Congo, to salimboka na biso, to bengi yango état indépendant du Katanga. Ye a se proclamé a comme président de la République. Na armée na ye a sali ba bengi yango la gendarmerie katangaise. Commandant oyaki na ba contingent belge, kombo na ye Guy Weber. Guy Weber to Guy Weber na lingala. Guy Weber yenda okoma conseiller militaire ya Tchombe et puis yenda okoma commandant dans un premier temps ya ba gendarme katange parce que yem to organiser yango sikoyo tangu wana et sika wana na lina comprendre certainement bande coming pe bazolanda biso balinga ba comprendre ba bomi 9 militaires belges non 5 civils belges civils belges na Lubumbashi 5 civils belges gouvernement na consul italien gouvernement belge a outrepassé accord wa zaki nango na gouvernement congolais atindi ba militaire na ye na Katanga na Lubumbashi bazali je na Katanga na Kamina atindi ba na Lubumbashi et dans la foulée Tchombe a déclaré sécession katangaise. Tchombe azaki na Kinshasa azongi Lubumbashi le 9 ba soda ba komi Guy Weber komi na ba soda le 10 le 11 Tchombe a proclamé sécession kasi. Donc il y avait arrangement entre Tchombe na ba belge. Non non, c'est une initiative belge. Tchombe azalaki na besoin de sécurité. Il est gardé tant qu'on a proclamé sécession. Il est gardé par qui? Ce sont les Belges, Guy Weber. Donc azalaki initiative ba belge. Parce que ba belge ba yewana na Lubumbashi po logiquement protéger la population na bango. Nini ni ba komi voilà. Donc voilà. Si quand tant Tchombe a proclamé sécession les 11 les 12, le président de la République, Kasavubu, na Lumumba, ba décidé, balobi, mais Tchombe, à l'angoué, ma sango bien, ba zu avion à Kinshasa, balobi, biso, tokei, kosolana Tchombe, aye, bisabiso en face, boye, far à far, na Lubumbashi, ke ya kati katang, ba mati en avion, ba komi likolo aéroport à Luano, na Lubumbashi, po ba kita boye, ba pimeli bango autorisation d'atterrir d'atterrissage nana pimeli bango ministre ya intérieur ya sécession à Katanga Godefroy Munongo na major Guy Weber ya Belgique balobi avion ne kitate voilà comment Lumumba na Kasavubu basali demi tour et puis le 13 juillet donc les 12 ba kokio kitate le 13 juillet ba paracommando belge bazu contrôle l'aéroport Njili. Le 14 juillet, sikoyo, omoni Kasavubu na Lumumba alobi non, ba belge ba na chema mususu, ba kontrole Lubumbashi, ba proclame sécession. Le 13, bango wana, ba kontrole aéroport Njili, donc, toko melo ko mususu. Yango wana le 14, Kasavubu na Lumumba, ba kwe yako decide, ba rompre ba relation diplomatique na Belgique. Ba kati ba relation parce que ba comprendre que la Belgique est derrière. Agresser biso, voilà. Et dit, la Belgique nous agresse. Ba kati ba relation na Belgique. Et puis, en même temps, Batindi Telegram, Kasavubu, na Lumumba, Batindi Telegram, et pas ya président ya URSS, kombo na ye Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, yina loba, Poutine ya Tangwana, asaki na Moscou, Poutine ya Tangwana, Telegram et Lobinine. Telegram et Lobinine, boye, donc Telegram en mobile bien vouloir suivre d'heure en heure l'évolution de la situation au Congo. bien vouloir suivre d'heure en heure l'évolution de la situation. Assigné le président il y a l'URSS à l'époque. Ou l'Andaka. Bilanda malamu situation. Il y a Bissokoto dans le Congo. Nous pourrions être amenés à solliciter l'intervention de l'Union soviétique. Tokoki ko senga lisungi na bino. Lisungi na bino. Vu situation n'engezo évoluer boye tokoki ko zala pousser au senga lisungi na bino. Voilà. Donc crise ya Congo ko za siko dimension internationale. Mais moi le kambu ya télégramme wana. Le Cléophas Kamitatou, le vieux Cléophas Kamitatou, appelé Kola Pese Kimia Seko, a yébisinga lobi non, en réalité, télégramme wana e kendate. Télégramme e kendate pour nanini, parce que projet à télégramme wana, directeur de cabinet, ya Lumumba, nda yiba ki ango komona e Damien Kandolo. Damien Kandolo a yibi document wana, a ke kola ki se pa batunaye, ba mista naye, ba mista ngumi bale nani, Joseph Mobutu, na Justin Marie Bomboko à l'hôpital à projet président Naka Lumumba ba na aidé ba télégramme ba singa aide ya URSS les trois Mobutu Kandolo Bomboko ba se concerté ba zui document na ba ke kopé sangue pa ba américain. Mobutu était toujours en intelligence avec les américains. Exactement. Voilà comment les américains apprennent que télégramme moko pona bango essayer que voilà pona ba américain preuve bande ko luka Kolobake, Lumumba za communiste. Bizarrement, puisque alors que Telegram est aki signé, Kasavu na Lumumba, mais le Kambongo est quoi Lumumba. Et puis en même temps, Congo PSU contact na Nations Unies, Balobi, Tala ba Belge ba attaqué, biso toi na besoin l'isungi. Les Nations Unies, bakwa komonte opération mou ba bengi ango ONUC. Awa tanga transition tozaki na MONUC, lelo tozaki na MONUSCO. Na 1960, c'est ONU qui est la kisi, opération des Nations Unies au Congo. Batindi, Nations Unies kotinda, à cette époque-là, batuna bango bakokoma à peu près 20 000 hommes. À l'époque, c'était la première opération des Nations Unies. Il y a Marke wana, et puis na Tai wana. Bon, pour na, le kamba ONU wana, ONU qui kotika na Congo de 1960, ti le 30 juin 1964, le dernier soldat y a Nations Unies bah, au Congo avec un sentiment d'échec. Et puis, si tout le monde a dit que Mobutu a tourné à l'intérieur, si Mobutu a zongi le 16 juillet, a zongi à Kinshasa, azana a kouti mauvaise surprise. Mauvaise surprise, nini, bah, informé que yo. Tant que vous avez tourné à l'intérieur, Maurice Mpolo, ministre de la Jeunesse et Sport, Lumumba a nommé chef d'état-major dans la place. Na yo. Oh, ah, nommé Ndengini. Mobutu a monipé, Maurice Mpolo n'a tenu à colonel, il a pris un tambour. Il a dit que Mobutu a piqué colère, Kasavubu a bandit qu'on intervenir. Il a solution et tout. Lumumba très embarrassé. Très embarrassé. Bon, Mobutu a quand même pire petit naïe. Ata petit abane koto salisoute, mais très embarrassé. Et puis, Lumumba a qu'un voyage aux États-Unis. Kasavubu, n'absence ya Lumumba, Kasavubu a réglé le problème. Wana, Mobutu a récupéré fonction naïe. Et Maurice Mpolo a zongi na gouvernement. Mais, et loko wana batu amitou na kame Maurice Mpolo a koufali wa nini. Mobutu a tikalanga na kanda wana rivalité na Maurice Mpolo, voilà comment Mpolo a rejoindre Lumumba na Okito. Okito tokwa mona ngope rejoindre wana. On rappelle justement que Maurice Mpolo fait partie des compagnons de Lumumba, Maurice Mpolo na Okito. Voilà. Voilà. Na Joseph Okito. Voilà. Donc Mobutu a commis si kotang ba casque bleu ba débarquer na Kinshasa, Mobutu a koswana na deux groupes. Premier groupe, bah, commandant des Nations Unies. Général, ou abané ko commandé, Azaki suédois. Le général, il s'appelle Karl von Horn, général suédois. Baswani na Mobutu ponanini. Nations Unies, voici idée na bango. Balobi biso toye na Congo awa. Basoda congolais de basa ko sala mobulu na mboka. Alo biso politique na biso ezali, toye awa ko désarmer bango nyonso. Ko désarmé ba mutin wana nyonso do ba soda congolais nyonso fo ba zala désarmé to bengani bango na armée to tongeli Congo armée asika parce que vous ne pouvez pas ko récupérer ba mutin ba indiscipliné bozongi si bango na armée wana jamais ko tambola kalisusu Voilà le point de vue, il y a Nations Unies. Il faut que Boma armée wana, kotonga armée asika. Idée wana mutasa ila kango na Afrique ezanani, président ya Tanzanie, Julius Nyerere. Yango wana ti lelo yo Tanzanie za l'un des pays les plus stables awa na Afrique parce que armée coloniale ba Boma kango. Mobutu asa contre idée wana. Mobutu alobi non, makambo ya ko désarmer ba soldats na ngezate. Yango wana Mobutu kutu atindi message, pesi message na basoldats nyonso congolais. Na français, hein, na le bon kambala. Ne donnez vos armes ni aux soldats de l'ONU ni aux Belges. Bon pesa mindo ki na bino ni na basoldats ONU ni na ba Belges. Gardez-le pour servir le Congo, seulement le Congo. Voilà. Bon bomba yango pour na rosaye la Congo kaka Congo. Voilà conflit. Il y a les bosso n'a pas de casque bleu. Deuxième conflit. Mobutu a continué un conflit n'a pas commandant ya contingent ghanéen ya ba casque bleu parce que ba ghanéen bazala ki parmi ba casque bleu. Les deux commandants là moko comme on a outé ko ba tout à l'heure, le général britannique Henry Alexander na mususu ya ghanéen comme on a Stéphane Otou. Mobutu a soigné na bango pour année. Parce que les deux généraux ghanéens wana ya contingent ghanéen ba ebisi Mobutu biso toye awa pour na reprendre commandement biso ndeto zozo siko commandement ya ANC. Il faut to konza siko ANC to ko tsango armée nationale congolaise, biso ndeto ko konza boko konza ngo abino premier ministre na bino Lumumba nde service ya senga ki Kwame Nkrumah alobi tindela nga ba officiers ba kemba ba ko gérer lenga armée parce que armée onaza nango. Bon, une parenthèse hein, Lumumba tango ba komi ko beba na Mobutu alobi ki phrase alobi okoyi ko sala semblant ya ko zala fonctionnaire. Mais c'est difficile ça l'assemblée de la colonel. Donc ce qu'on yébite quoi. Mais voilà, faut... moi que là. Voilà, moi en bois que là. Donc si quoi yo, basoda na bahé balobi pisto Mobutu alobi non jamais. Ngai na ko ni ko cédé commandement. Est-ce qu'il y a solo Lumumba singa ka Kwame Nkrumah? Batindele ba généraux tozana réponse té na motuna wana. Et puis to continue Mobutu tango a boyi. Ba désarmer ba soda ya ANC. Mobutu tango a boyi ko cédé commandement et pas ba ghanéen et matisi kote na ye et pas ba militaire ya ANC ba militaire congolais. Ba Belge ba Nations Unies singi ba Belge ba longwa na Congo l'armée belge hein? Ba longwa na Congo ba Belge ba ko traîner un peu makoloti fin août 1960 nde ba militaire belge ba ko longwa na Congo ba zongi Belgique. Le 8 août 1960 Lumumba a zongi na Kinshasa après 3 semaines. Il y a absence na yo ya kende ki tourné na États-Unis. A komangi na Washington, mais na Washington malheureusement, président américain yambi été. Président américain atango na bandako benga Eisenhower, général Eisenhower, a yambi été pona nini? Eisenhower a considéré que Lumumba est na Washington a senga ki ata rendez-vous té, donc akoyé ko yamba été. Et puis a kende ki pena na Nations Unies. Mais le même 8 wana tango Lumumba zongika na Kinshasa le 8 le même jour ayoka sangoboye na Lubumbashi Albert Kalonji président ya parti politique MNC Kalonji a proclamé sécession ya sud Kasai alobi biso pe Kasai tolongwe hein, une partie ya Kasai capitale na bango bakwanga donc Lubumba Mbujimayi alobi Bisope Tolongwe. Wana le 8 août. Donc, Lumumba penza moni siko Kongwe komi ko panzana. Katange kei, parti a Kasai bando kende. Tout ça avec l'appui des Belges. Hein, parce que DG Amiba moutaza ko encourager Kalonja Salabilo kwana. DG Amiba qui est Belge. Qui est Belge? Oui. Il s'appelait d'ailleurs M. Cravate. Comme on a bossé na kate parce qu'elle a tellement facile au Kanga. Mais Moulopo, c'est quoi comme président de la République? Il y a État autonome, Abengiango, État autonome du Sud Kasai. Mais Albert Kalonji, à quoi il y a un mois d'avril 1961, à quoi il s'est proclamé Moulopo, hein, à l'usage se présenter, à quoi il y a empereur. Ndeko soko yiko yiko permettre na pesa mwa fungula mwa parenthèse moko oyebi lettre moko etambula kabo ya Tshisekedi oyo Tshisekedi ministre intérieur azo transféré Lumumba ba obenge le crapaud et pa ya Kalonji. Lettre wana pona ngai c'est une lettre fausse eza faux pona nini il y a deux indices na kati ya lettre wana. Lettre wana eza daté na décembre Lumumba kangele le 2 décembre donc la lettre wana ya transféré eza pe na mois de décembre. Lettre ça daté na décembre 1960. Tshisekedi na lettre azobenga Kalonji Mulopwe na décembre 1960, alors que Kalonji akoya okoma Mulopwe na avril 1961. Donc lettre wana c'est un faux et comment maka après ba fabrika ki ango après ba sali mo erreur wana pour ba imputer on a tina tshisekedi et tango conférence lettre mo ma tango conférence nationale hein pour na ko globa ka sa azaki impliqué et tout. Deuxième élément ya ona mona ke za faux na 1960 Tshisekedi azalaki na poids politique ité ya ko participer na ba réunion stratégique azalaki vice ministre ya justice to ko mona ngo vice vice ya liao donc kangi parenthèse wana. Donc, si on ne pouvait pas prendre une si importante décision. En tant que justice, alors que son titulaire est là, oui. Alors qu'à l'époque, il n'avait pas la carrière politique. Et puis, voilà, la situation est continuée. Mobutu, si on a pression, qu'on soit dans un casque bleu, dans un gagné, tout, Mobutu stress, il y a remarqué, Mobutu a dit qu'on met là. Whisky. Témoignage, tu as dit que Larry Devlin, chef antenne à CIA. Chaque fois qu'il y a un bureau, il y a un moulangé whisky. Maintenant, tu vois, verre à Mickey. Verre à Mickey, pour nini, et tu as dit mingi te as dit que tu as dit que tu as dit que tu journée moko akoye omela mulangi moko et puis comment il na 2000 langi ti mukolo mususu la rue de Vlina bina gangela na boaka mulangi ya whisky ngabino il faut se reprendre hein, parce que mboke zana besoin donc il faut dire que azana on a âge ya mboke oui il a 30 jeune. Il a 30 ans azui responsabilité monene armée oui armée en go en décomposition en débandade sécession awa sécession kuna ba belge bazo embrouillé voilà. Les Nations Unies baye bazo embrouillé voilà. Gouvernement ba politicien pays donc et les quels deuxième témoignage sur ça en go il y a colonel Marlière où il y a comme conseiller à Mobutu Marlière il y a lobinine à lobby c'est très intéressant ce que Marlière lobby tangu kaka Mobutu a nommé chef d'état major alobi bato babandi koya na bureau na ina ba enveloppe babandi koya taloza mokondi soko lingo yamba bati foza na mo quelque chose voilà comment la corruption Mobutu ayeko découvrir corruption donc Mobutu siko tanga babandi koma na mbongo ebele wana Mobutu siko yo certains problèmes wana marilia mtu azoloba certains problèmes au lieu régler ngo na autorité ya kimilitaire hein azwa décision Mobutu solution facilité comme nini ye pa komi kotamba sa ba enveloppe hein au commandant Mokokuna, Azoto, Sate, Buena Boye, Mobutu a tindé l'enveloppe, commandant c'est carré. Abi, voilà comment j'ai un système de corruption et Kokota, Nakati armée. D'ailleurs, dans l'histoire passée, je crois, entre 60 et 65, et puis Mobutu a réussi ça. A Bengi Sakina, nous, chef armée, Awa, il a réussi à coup d'état. Les convaincre. Oui, l'enveloppe est en bon accord. Donc. Voilà. Si koyo na période na peka ba relation Lumumba na Mobutu so continuer ka kobeba Lumumba komi koloba je suis trahi Mobutu m'a trahi Mobutu côté na zoloba mo Lumumba m'a déçu donc et komi e benda pika. Si koyo ma quand même malgré ba problème na ngo mais ba so collaborer quand même pour intérêt ya mboka. Yango na Lumumba na Mobutu ba décider le 27 août 1960 qu'on frappait Kalonji, Albert Kalonji, dans cette session. Au moins, il a attaqué les côtés les plus petits, peut-être. Alors, il y a un tindi, ba soda. Na, ba kwanga. Ba soda, ba koti na kasai, na mbujima, tu as utilisé ka terme lelo. Ba soda, ba koti na mbujima, Kalonji, na batunaye, ba kimi. Bakimi, Kalonji n'avait pas de soutien de la Belgique. Hein, à Paris, non, il y a Bandeliwana, il y a Bandi le 8 août. Donc, il n'a pas le temps de s'organiser. Soutien n'était pas mercenaire, tchomba zaki na bango, ya zaki na bango te. Donc, ANC, koti na mbujimai, et bengani, kalonja kimi na batune, bake robatama, bake exil, pour une communauté, il est tamoussous, bake exil na katanga. Malheureusement, le lendemain, ya occupation, ya mbujimai, par ba soda ya Mobutu, ANC, ba massacre salami, ba civil bazali tué, ba militaire bazali massacré na bakwanga. Donc, est vraiment scandalisé Batou. Mais Batou a bazo boma bango, na misu ya ba casque bleu onisien bazawana, ba soda na biso, ba bomi, Batou na mbujimai. et puis bah Nations Unies qui ont dénoncé le bino et ça génocide, voilà, Mobutu il n'a pas pu contrôler ses militaires, mais bizarrement dossier wana bakwanga et koya ko bongwana et kweli kaka Lumumba yemoko balobi Lumumba asirisi baluba na koboma na Mbujimayi yango wana les 5 opération Zaki le 27 août le 5 septembre 1960 na 20h Batou Bayo qui voyait président de la République na radio, Radio Nationale na biso, oyo président a eko annoncé révocation ya premier ministre. Kasavubu a annoncé révocation ya premier ministre. Raison nini, alobi, Patrice Emery Lumumba jette le pays dans une guerre atroce. Donc Kasavubu alobi na révoqué Lumumba na 20h. Mobutu verba 21h boye a fungola radio na ye. Ayoki premier ministre Lumumba yemoko en direct na studio Lumumba yekolobake destitution na ye o Kasavubu ati ko prononcer ezali nul et non avenu et yende sikoyo a destitué président de la République Lumumba ko yakosonga deux reprises na butu anaka na radio ko yako continuer ko sala déclaration na ye yango wana Boutou boutou wana, ba casque bleu, ba eko kota radio, ba kangi radio, et ba contrôler station radio. Radio tangwane zalaki, ndeko omoni na, na aveni lukusa, Orgaman. En face Orgaman, et l'ok mou zakwana, neti social, bo, ministère des affaires sociales zakwana, na enceinte wana, voilà, radio zalaka wana. Ba casque bleu ba occupé, ango ba kangi radio. Lobby nango les 6. Lumumba a passé ordre na Mobutu le 6 septembre. Abisi Mobutu, chef d'état-major, kende ko kangelanga Kasavubu. Le même jour Kasavubu a passé Mobutu ordre, kende ko kangelangai Mobutu Lumumba. Lumumba. Kende ko kangelanga Lumumba. Donc Mobutu ta lambara. Tu comprends de point ni Mobutu. Oya tindi ya kanga oya tindi. Pona nini Mobutu akome ko mela whisky. Donc voilà, Mobutu au salé locomoté à Kobujete vraiment. Donc yangoana sikoyo Congo comme na gouvernement mibale Kinshasa en tout cas gouvernement mibale Kasavubu tango alongole Lumumba a nommé président ya Sénat. Président Sénat comme premier ministre kombo na ye Joseph Iléo. Et Lumumba pa lobi ye pa zaka en place donc to comme na deux gouvernements na Nations Unies. Congo et Bimisi désordre kuna parce que des délégations pe ezoko loué la place na katia assemblée générale des Nations Unies donc et comme mbutu mbutu tina New York yango wana makambo évolué comme on peut oui na rappeler na bande ko balandike lelo yo tozo lobela tozo silisa lisolo mbutu. La vie de Mobutu Sese Seko, suite et fin avec Thomas Luaka. Vous êtes très nombreux à nous regarder en direct sur YouTube. Hein. Merci beaucoup. Quoi, YouTube, Bazali, Bélé, Bamsou, Bazo Seka, Bamsou, Bazo Tuna Mituna. Bref, Torozong est la partie à ma question tout à l'heure. Le 11 septembre 1960, Patrice Emery Lumumba a tenté le sous kende na radio Kuna, Bakas Keble, Bapekisi. Le 12 septembre, sur ordre à Kasavubu, Lumumba ndenga mandeko bimana bakangi Lumumba na basoda na ordre ya Kasavubu bakangi Lumumba tangu bakangi Lumumba wana siko general Lundula wazaka bloke na Katanga asia komiao Lundula siko yo commandant en chef donc chef ya Mobutu commandant en chef Lumumba koti maso Lundula koti masolo akeko libéré na kan isika bakangi Lumumba wana le 12 hein akeko libéré Lumumba akeko libéré Lumumba le 11 bakangi Lumumba le 11 Lundula a libéré le 12 makambo isi accéléré ndeko le 12 non, le 12, il est arrêté. Lumumba est arrêté. Le même jour, Oyo Bakangi et Lundula qui ont libéré Lumumba, le même jour, Kasavubu a destitué, a révoqué, a limogé commandant en chef Lundula, à l'obi Olongwe à travers Iléo. Et puis, a été nommé Mobutu a commis commandant en chef faisant fonction. Mm. Donc, chef à Mobutu à Longwe, Mobutu Siko à Matigrad, faisant fonction. On a les 12. Ndeko, l'andanga malam. On a tant que Balongoli, Lundula, commandant en chef, balongoli yema kote. Baeko longola na pire mususu ya Lumumba azalaki mokonzi ya ANR. Christophe Muzungu. Kasavu wa bengani bango le même jour wana. Le 12. Papa ya... Papa Christophe Muzungu. Papa Christophe Muzungu wa ambassadeur na biso. Ambassadeur na, na na nini na Congo Brazzaville. Et puis ancien gouverneur à Kinshasa ndeko soko ozola ndabiso na pesi mbote. Na pesi pe mbote particulièrement na bande ko balo na biso na Dubai. Ah OK. Ah oui, ndeko Pascal Okoko depuis Dubai. To pesi mbote to moni na YouTube, vous êtes très très nombreux, plus de 500 personnes à nous suivre en direct. Donc ndeko moni hein, les 12 Lumumba za arrêté, ba libéré na Lundula, Kasavu wa Longoli. Longoli abengani Lundula na armée na na Christophe Muzungu les 13 parlement na biso Lumumba bande ko senga plein pouvoir parlement et pesi Lumumba plein pouvoir donc ba reconnaître que yende azamu konza mboka il faut akonza. Il faut rappeler que Lumumba était toujours majoritaire. Exactement, voilà. Et na Sénat na Assemblée nationale ba député ba voter na ba sénateur ba voter ba pesi le plein pouvoir et que c'est même suite à un arrangement dès que Joseph Kasavubu amara président parce que logiquement il est motazaki qui leader et majorité il fallait comme président mais arrangement ça là que il y a Ndimi qui premier ministre. Exactement, voilà, comme on l'a vu dans les épisodes passés. Donc sikoyo les 13 ouana ba parlementaire ba pesi Lumumba plein pouvoir. Les 14 septembre Kasavubu a annulé ba plein pouvoir ana au ba député ba pesi Lumumba. Pe akangi parlement Kasavubu les 14 ouana akangi parlement. Siko le 14 septembre ouana na 20h30 toyo kaka na radio boye Mungongo ya le colonel Joseph Mobutu akomi commandant en chef. Aleki après à se concerter avec Liboso hein na ambassadeur États-Unis na commandant en chef ya nations ya bakaske bleu comme on a exact azayi marocain général Ketane Ben Hamou Ketane Mobutu a annoncé na 20h30 le 14 septembre que a neutralisé président de la République les deux gouvernements gouvernement Iléo le gouvernement Lumumba na par akangi pe à neutraliser na parlement. À Pékissi, Bangouni, on s'obassa l'activité politique. Yangouana Babengaka, le premier coup d'état de Mobutu. Du colonel Mobutu, le 14 septembre 1960. Et puis, Mobutu a décidé, à l'obi, ezali coup d'état, ezali nde to pesi ba politicien. Aïssi Bangoubiso, tozu pouvoir, ti le 31 décembre 1960. En attendant, biso to koste nako exercer pouvoir, te, nazako benga ba jeune, ba étudiant, ba konzamboka yango na le même soir wana Mobutu atindi ba télégramme na poto ko benga ba étudiants quelques étudiants bazonga awa pona baya ko konzamboka yango na gouvernement benga kango les collèges des commissaires généraux ezali président nanani wazani te premier ministre camarade na ye ya mutema Justin Marie Bongo oyo bakene ko négocier coup d'état ngo et pa ya chef d'antenne ya CIA américain wana Larry Devlin bakena bango imbalé parce que problème na bango zaki ni avant ba la coup d'état wana bazaki na besoin ba américain ba garantir bango ke soki to sali coup d'état gouvernement na biso États-Unis ko reconnaître ngo Larry Devlin na biso bango no ya pas de problème to ko reconnaître ngo donc voilà yango ba et puis ça va un courage Mobutu a annoncé mais bombo comme ta comme premier ministre et puis ba former gouvernement ba commissaire généraux yango wana quelques jeune au bakoti na politique Marcel Yaou a comme ministre de justice Etienne Tshisekedi pour la première fois apparaître étudiant à l'université à Louvagnum aye ko apparaître comme vice ministre de la justice Jonas Mukamba Koti Ferdinand Kazadi Mario Cardozo voilà bas avec moi mingi natenka quelques combos sikoyo Kasavubu est censé être neutralisé mais ba américain ba kotia Mobutu pression ba lobi non tala pour collège des commissaires généraux ana ezwa moi légitimité il faut Kasavubu to investir bango voilà comment collège des commissaires Mobutu contre avis à Mobutu voilà comment Mobutu a investi et Kasavubu c'est lui qui a investi ba il ko prêter seulement et pas naye pour ba banda misala tungulu tungulu venant président au baza censé ils sont censés avoir Mobutu est censé avoir neutralisé oui yende muta investir gouvernement au Mobutu a nommé. Donc voilà des ordres des périodes où on a groupe qui apparaît, ou bien groupe de Mbinza. ezabato yo ba mista o bakutanaka bazo gérer mboka soki balingi ba bazo a décision il faut ba ke ba se concerter groupe de mbinza ezana batu nine bazana kati Joseph Mobutu Cyril Adula Albert Ndele oya uti kotika biso pe a sonam Mario Cardozo na souhaité d'avance pe ako ki sa année 90 ans papa Cardozo Losembe Noko nanga na pesio joyeux anniversaire d'avance. Damien Kandolo, Justin Marie Bomboko na Victor Nendak. Voilà les sept membres ya groupe de Mbinza. O moni ki na groupe yo kutu Tshisekedi azate. Donc les vrais décideurs à cette époque bangwa. Mais na kati ya groupe wana moi groupe mususu ya Mukeza la ki en fait trois personnes contrôlaient même le groupe de Mbinza, c'était Mobutu, Bomboko na Nendak. Merci de nous suivre à Turin. En Italie, Angela Moussoumari. Merci également de nous regarder depuis le Canada. On vous appelle Onde Bolangi. Voilà, Bandeko Bazo Andabiso na YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, ba dédicace Nabino. Patrice Emery Lumumba komba komiko linga kwa kanga. E, akoti na résidence surveillée. Tomona kiango, lupango naeza cerné na de ceinture. Ceinture ya liboso. Ya ba casque bleu, obazo ba telaye. Ceinture mibale, ba soda mobutu bazo zela kaka po abima, po bakangaye. Donc voilà, un jour, 200, kasavu batindi, 200 militaires congolais, na mandana ye, ya président de la République, ba ke kuna po bakanga, Lumumba, ba casque bleu ba s'opposer. Yangona pe, e permettre, biso tolo ba moi, affaire mo, ba benga l'affaire Kokolo. Mobutu a décidé, a bengana, ambassadeur à Ghana. Ambassadeur à Ghana, zaki très proche na Lumumba, a moni Kwame Nkrumah. Ba pesi ambassadeur à Ghana ultimatum. Il faut aller au Congo. Tipo wana lobi ngana ko longwate. Ngana signé ki accord na ngana gouvernement. D'ailleurs, on attend quelque part que ba troupe ghanéenne y a na ba casque bleu au bazai ko sécuriser na ko Lumumba ming ming ezali ba ghanéen. Oui, exactement ba ghanéen. Sikoyo ayebisi lobi ambassadeur à Ghana muta ko ambruye biso wa Mobutu lobi fo akende. Na pesi ultimatum annoncé ango. Eh, ambassadeur abi Mobutu ndenge ba lobana na Côte d'Ivoire. Si tu es garçon il y a combien de gens là? Population, c'est quoi? Comme on est pas Hollande à filmer, filmer western quoi? Bah, c'est là, c'est quoi? Ultimatum, mon collègue est au coma. Ultimatum est commis dernier jour, boyé. Bah, côté là, ceux qui Mobutu a organisé combien de gens? Ambassadeur à Ghana. Mobutu, ah, dernière minute, kaka ekenge felom, azu atindi vienaye, colonel Kokolo, colonel Kokolo, via kekuna ambassade. Ba gane ba ebi se tala papa soko leki kaka linyo na tobeto masasa bon ba to ro baka vie ay baka au principe extraterritorialité ki mabele ambassade za bisote via kanisi ka tozana Congo donc aké a franchi deuxième explication ba lobi vie ba za ko expliquer ba gane ba ko expliquer na anglais quoi ko avancer te quoi tobeto masasa via zokate via avancer kaka boye ba bete masasa Kokolo akufi tant qu'on a coupé bas soudanais bas tombo qui échange à massage des bandits bitombe bandit entre les militaires congolais n'a pas casque bleu ghanais bas bête ni massage pour tout mon bimba lobby na tongo bah et coloco tabi tombe si les bah et coloco tabi bimbe 10 morts non hein 10 morts 7 congolais militaires bas coupé na 3 ghanais mon bout de paille à le côté bimba vient naie à zongi nango a été organisé le 23 novembre vie Mobutu a organisé cortège funéraire ba soda ba zole kana ville Mobutu moko liboso pa ke nokunda vie na Kokolo yangwana origine expression moko lo bomanga na lingala okokufa li wa Kokolo donc okufa na buzoba kambo italiote donc ya tina te kwa voilà de origine expression li wa Kokolo yangwana voilà comment vie akufa voilà merci à monsieur Simon qui nous suit depuis Tel Aviv en Israël qui est en ligne salutations également à monsieur Pichu Kadianda depuis Cape Town en Afrique du Sud le monde entier nous suit merci on est content merci beaucoup sikoyo tomona ki kasavu wali mojaki Victor Lundula Lundula sikota ngoli kasavu alongolie asali nini azwinzela na ndenga discrétion a débarqué à Pakistan na Kisangani tango komi na Kisangani a récupéré commandement de la région militaire tango na ba obenga ngo troisième groupement ye pe sikwa komi mokondi armée na ye a komi commandant eloko ba komi kobenga ngo siko ANC Lundula do ya komi mokondi kuna me Lundula ke ye mokote avant to pe sa parole c'est la pause maintenant avant pause Lundula ke ye mokote Lundula azali accompagné na nitinalo ba assistant naye major moko boye major wana camarade Lumumba bakolane na bakata ko kombe kuna kombo naye Celestin Nembalemba major Nembalemba bake kuna Celestin Nembalemba wana oba kisiko ko sala bitumba na Kisangani nde papa ya honorable Léon Nembalemba oya yebani na kombo mingi ya papa Molière to Granyao. Donc voilà ba tsiko bake ko s'installer Lundula na Nembalemba bake ko s'installer na Kisangani. Et puis, le 12 décembre, Gizenga, Oyepa Komina Kisangani, Gizenga, na Christophe Gwenye, na Pierre Moulele, ba proclamé République na Bango, na Kisangani, ba Bengiango, République libre du Congo. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants. Juste le temps pour moi de saluer Alain Kela, qui nous regarde sur YouTube depuis Idiofa, dans la province du Kwilu. On se retrouve après le flash d'information pour la suite et la fin de la vie de Mobutu Sese Seko. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Allez. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka e kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Sangonyo so ele kakana mboka, tolanda kaye paina yo. Bana Congo bafuli ya lupemba, mukende musika e. Christian Lusakweno, mwana ya docteur Lusakweno. Isema oya toko. Pascal Kapalay. Dieu merci, nous sakumunu. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Top Congo FM. Mikano mimizwami po ya kusunga ite motuya ya masango yuko wakukita wakati yetuka ya Kasai pe ya Katanga. Top Congo FM. Maebanso basila mwongo kuzwa misolo kwa uta na FMI pe makamata linda kwa wongo misolo ya molongo tope Bank Mondial mbula matari ya ekole RDC sengeli kulimbula na bisika biso bie misolo mimiko kendaka wanezali mokanda mwemotemi manzaka pe motinda mina mokambi ya FMI po ya bakambi ya opposition tutangi wana mweska tumbi dilise sanga Martin Fayulu na pe matata ponyo bango balingi kwe baete bisika wapi misolo mimiko kendaka na yango basengi ba FMI kusala bulikilo kitope audit na misolo miso miemi kusunga ka ikolo ngo demokratiki pamba teza linyongo ikolo RDC kufuta emu komezali koya. Top Congo FM. Butambu le boy opposition et sengeli ko sale mokati ya ikolo ngo demokratiki mo tumi bale ya sente tozali na yango bo sengeli ko baite lingo ba bilenge ya UDPS ba ngamba kadi pe ko sala butambu li omi komie se mokolo moyo opposition sila ki ko pona sengeli pe semi na mokami molandi ya lingo ba ya bilenge ya UDPS ka songa bo ya bae bazali ko lengela butambu le opposition ba ngamba tali si tezali matumbu li ya makasi penza na yango mikano mesengeli ko sale ma pe mpula matari ya ikolo RTC et sengeli ko ya mukenge pa makamatari botamboli okati ya ekolo Congo démocratique. Top Congo FM. Bandeko balandi na bokosi sango lokota la lingala esuki awa bino babulandaki biso na bokebi boye baete na sungamaki na masini na Chris Bivola, YouTube na sungamaki na Dani Zayobi, Patrick Mongongo pe Didi Mintika, bino babulandaki biso na bokebi totondi bino pense botondi bokobakola na manaka ya Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awa nde bokozwa biyano na mitona na bino pe ndimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka ekolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Namo pandi Top Congo ezali kobeta e Sylvie Meya, Miriam Eragina, Cecil Ngombae Zela ezali na inu molaie Rémi Moulingati Istevae, Mbula Zomina Libwa Ekoki John Konde na Jacques Ntinga Boka Bali Solo e Top Congo e, radio ya ma generation yo sobondi melangai Krasile ma oyoka e, Top Congo e ningi si mokili Disneva yeto sepela, oze manzanza yo kangai Oyo suka ya masolo, peli kanisi ya mwana mboka Cyril Milandu, Beru Matanda, Merveille Mokelo Top Congo e, radio ya nga ya yo ya ya ya biso baso Didi Binseka, tuku kende na bango likolo Mwabiso totomboli deja bendele, bendele ya lokumwe Disneva ya Top Congo Toebisa ki chef de l'Etat, atina mutu na zandu asomba kama radio ya muke Asomba ki deja Nanda kwa ba politisien tokotaka Nanzela, namituka, bisika nyonso Top Congo, toujours na tan Disneva o ya Top Congo, iye mama ye Bango nyonso bako mesana, iye mama ye 88.4 fréquence oyo ikanga masolo Oza la première chaîne d'information na katiango 88.4 la fréquence utile Disneva oya toko oye marichela oyo kanza Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Congo central na Luozi. Pour ngai Brett et je vous appelle depuis le Brésil. Les gens mais Stéphane. Ma décision oui, la police à Olage Bazui. Ça va décision moko ya bien, faut battre en action puis faut pas ça suivi. Au coup ta pharmacie égalité, plafond égalité, depuis chaleur mieux sur moi naier moko pharmacie ya tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. dernière partie de ce numéro de Parlons Histoire sur Top Congo FM. Grand merci à vous de nous écouter. Grand merci à vous de nous regarder de par le monde. Vous êtes au pays, vous êtes à l'étranger. Toutes nos salutations. Alphonse Siwolozo Landabiso depuis Chikapa, Awana, Kasai, na République démocratique du Congo. Bandeko Mingi Bazo Landabiso na Kinshasa, Bazo Landabiso un peu partout à travers la ville. Les Los Bisna Borozoa, quelques dédicaces par rapport à ce que je vois ici sur YouTube. Ils sont très très nombreux. Salutations à Patient Kusangi Lalutu, l'artiste qui nous regarde depuis Paris. Nekotoma Luaka, Tosi Lisasikawa, Lisolo. Merci Mingi Ndekoto pour accélérer ce koyo. Donc, Tomoni Gizenga, na Christophe Bwenyena Moulele, va proclamer République libre du Congo. Na Kisangani. Ezali reconnu dans le pays communiste, na Égypte va reconnaître la République wana, capitale Yamboka, Eza Stanleyville, to Kisangani. Et puis, pour Nakokena Lombangu, le 22, tu es bien sûr que les Congolais ont commis la kiti na Nations Unies à New York. Le 22 novembre 1960, Assemblée générale, il faut tout le monde qui a été voté. Nani aza mokondi ya Congo? Est-ce que ça kasavu buto Lumumba, l'autorité légitime? Parce que bakaske blo bazaliawa, il faut baye baka, répondant na bango eza nani. Et puis kuna kite eza kaka moko, il faut baye banani akofana na kichwana. Est-ce que kozala Cardozo, to Thomas Kanza? Parce que Thomas Kanza nde mutu ya Lumumba. Lumumba, Cardozo, Mario Cardozo mutu ya kasavu. Yango wana kasavu buye moko ake na New York na Nations Unies, ko plede kanaye, Yangwana le 22 novembre 1960, vote salami en Assemblée générale, Kasavubu a gagné par rapport à Lumumba, donc pour la Nations Unies, l'autorité légitime na Congo, Ezali Joseph Kasavubu. Sangwana tango kumina Kinshasa, batu ya Cléophas Kamita, tu naba collaborateur msusu ya Lumumba, ba expliquer que non, mokondi, situation est komi compliquée. Loko ya Ozali lisusu reconnite comme premier ministre, ba protection ba casque bleu yo ba ko retirer yango parce que zalison a raison te yango na vie il faut luka pour la sécurité na yo o longwa na Kinshasa sinon te mobutu na kasavu ba kanga yango yango na kasavubu azongi tanga oti New York azongi na Kinshasa wa le 27 novembre via matin anda kunena mongalema afungoli bouteille ya champagne na ba proche na ye na butu na le 27 le 28 yango na Lumumba akimi tomona kiango akimi residence na ye akei pona akende Kisangani bakokanga ye na nzela le 2 décembre bazongi sen hélicoptère na Kinshasa et puis le 17 janvier 1961 abatindi na Lubumbashi oyo azali assassiné na 21h43. Donc, tout le monde a Mobutu. Est-ce que Mobutu a croyé qu'on sauvait Vienna? Justement, quel est le rôle qu'il a joué? Mobutu a participé à l'isolo à Mobutu. Rôle il a joué. Mobutu a participé à la décision à co-transférer Lumumba na Lubumbashi, mais Sikoyo batumamitunaka. Est-ce que Kasavubu, les groupes de Mbinza, oba décidé qui a que Lumumba qui n'est est-ce que ba yeba qui ba belge ba kubomaye ou bien ba lingai kaka batiaye na prison? Tout ça na réponse tene lokwana. 6 jours après l'assassinat de Lumumba, le 23 janvier 1960, Joseph Kasavubu a nommé Mobutu général à PCI Promotion. Est-ce que c'est là qu'il peut encore remercier ou bien pour la nini de Ebakate? En tout cas, Mobutu, désormais, a commis général Mobutu. Tant que Mobutu et Lumumba Koufi, Congo et Katani n'habitaient ni mine, ou bien la balkanisation. Tout ça, le gouvernement à Kinshasa, Mokonzi Nango Kasavu, Baza président, gouvernement, premier ministre Iléo, Joseph Désiré Mobutu, commandant en chef, le général, commandant en chef, il y a ANC Mobutu. Tozana gouvernement, il y a République libre du Congo, Oezana Kisangani, président, il y a République libre, Antoine Gizenga, Christophe Bouenier, premier ministre, général Victor Lundula, commandant en chef, il y a armée naye, ANC Lundula. Troisième morceau, il y a Congo. Gouvernement de l'État indépendant du Katanga, Moïse Tshombe, président, Godefroy Mounongo, le tout-puissant, ministre de l'Intérieur, et le commandant de la gendarmerie katangaise, Babengi, le major Guy Weber, les Belges. Et puis, Etienne Yamine, État autonome du Sud Kasaï, Albert Kalonji, chef de l'État, Joseph Ngalula, premier ministre, commandant Dinanga, un garçon de 22 ans, Yendeza, commandant de la gendarmerie kasaïenne. dinanga uti koti kabiso pe, je crois qu'il y a une ou deux années. Le 9 février 1961, président Kasavubu a remercié le gouvernement et le collège des commissaires généraux, Balongoli Bango, Mobutu, a nommé Siko. Il fallait tellement le 31 décembre, mais bah, contact n'était le 29 février. Et puis, a économé Joseph Iléo, gouvernement provisoire, en attendant la réconciliation. Réconciliation, go, rapidement, Kasavubu a organisé la réunion de réconciliation. Tant que Mobutu a fait, on a l'impression que Mobutu s'est retiré dans la politique. A comme que ça, la inspection a été, il y a la militaire, et il s'est promené dans le cortège Mokoya. Kafu Kafu, 4 Jeep mitrailleuses, une Jeep radio, un camion de soldats au Bazoua qui ont accompagné. Et puis, réconciliation, table ronde à Kinshasa, 26 janvier, 16 février 1961, échoué. Table ronde à Tananarive, et comme il y a Bayokani, Kasavubu na Chombe Bayokani, Kasavubu Azongi na Kinshasa a changé à vie. Table ronde à Kokilatville, Bake Kuna, seul fait marquant, ba créé République fédérale du Congo. Mais Chombe ayaki na Mbandaka Bakangi Chombe, parce qu'il y a un réunion à Zonga. Bakangi, et voilà comment Chombe se retrouve en prison. Et puis Chombe a vendu un mois en prison à Mbandaka, Bayene na Kinshasa, Mobutu a logé na Villa Moko na Kancha Chiwana, Mobutu a traité avec respect, a zoté sa écoute ma milange whisky, na ba champagne. Et puis Chombe a décidé de libérer, ba américain ba tie pression, bo libérer, Chombe a lobi ma kamba sécession na tiki. Et s'il n'a que vous convaincre, n'a que convaincre ba ninga na tika kuna, tango a komi kuna a lobi sécession continue. Donc voilà. Ça, on l'a vu dans les précédents épisodes. Conclave Yasuka, conclave Lovanium. Et Salami na Kinshasa du 22 juillet au 10 août 1961. Mais moi, le 30 juillet, Mobutu a organisé baptême Yamwana Mobali Yamisato, Kombo na Ekonga, na paroisse Notre-Dame de Fatima. Nani aza parrain Yamwana Yakonga, ezali le chef de l'État, Joseph Kasavubu, na mwasi na ye marraine. Nazana photo, na otiki lo photo ngondeko. Oyo, mutazo officier meswana, l'évêque auxiliaire de Léopoldville, oya komasi ma cardinal Malula. Mais ce qu'on peut remarquer, tant que ba baptisé mwanana, Mobutu a décidé pape sa komboyo, et pas Konga. Joseph Moïse Konga Mobutu. Joseph Moïse, la kisinini, Joseph Kombo ya président Joseph Kasavubu, Moïse, Kombo ya Moïse Tshombe, parce que Lumumba Mobutu aza kolinga a consolider alliance ne azaki na mwana na Tshombe, a pesi Kombo ya Tshombe pa mwana naye. Tokoya komona Mobutu akobosa na alliance wana te na 64 Mobutu tangu Tshombe sécession esili ba casque bleu ba beti ba mercenaires sécession esili na janvier 63 na 64 ba rebelle bazongi lisuna est tomona kiango Mobutu tangu aza kobenga mwana na Joseph Moïse akoya ko se rappeler alliance na ye na Tshombe. Tshombe aza na exil yango na Mobutu akozongisa Tshombe na Kinshasa wa a expliquer Kasavubu ifo te nomeye Tshombe aza nommé premier ministre. Tshombe a bandi ko sala bitumba, a pacifié Mboka, a gagné ba élection. A commis même très populaire. Très populaire. Oui, bisa ki biso ke, soki ba élection sa mara na moma wana, a zayi capable a rebattre Kasavubu. Élection zala ki na deuxième tour, et na second degré. Ye a zaki na ba majorité ba député, ni zaki na parlement. Donc il allait nécessairement gagner. Parmi ba député ya Tshombe, moko, député à Konako, Mokona, Komona Etienne Tshisekedi. Donc voilà comment Mobutu Sikoyo, Kasavubu, a Longoli Tshombe premier ministre, a tié Evariste Kimba, Kimba qui est dans le Parlement, Baboy qui investit, Kimba Zongi, Evariste Kimba, a Zongi, baza ko discuter Sikoyo, Ndengeni Tosala, Mobutu a convaincu Kasavubu que non, président, député Baboy Kimba te. Peut-être configuration, il y a gouvernement, tout changé quand Mouke, tout Zongi ça est deuxième fois, et qu'on le Kanango. En réalité, Mobutu a banigé qui crisoane ou mela. Prétexte les soucis aux Zonga. Donc, Yangwana Sekoyo, Tango Tozozela, Kimba, député Babengane pour la première fois, Bayoki Kakuya pour la deuxième fois, député Albi, Tozozela et Yangwana le 24 novembre. En réalité, c'était le 25 novembre, à 5h du matin, radio annoncé, le haut commandement et du pouvoir. Et Kasavubu, Apema, voilà comment Joseph Désiré Mobutu a commis président de la République le 24 novembre 1965. Au terme d'un coup d'État, cette fois-ci réussi. Et cette fois-ci, il y a septembre 1960, les arguments. Oui, voilà, voilà. Cette fois-ci, vraiment. Cette fois-ci, c'est un coup d'État réussi. À s'assumer. Tshombe, Azui, Akena exil, Kasavubu, Asengi, autorisation, Akena Rwanda, Naba, Congo, Natal, Naye. Merci. Histoire est celle à Kate, et vous écoutez les Mahanale. Voilà, parce que la suite, on la connaît. Tout le monde a dit Tolobe Laki, 1965, 1972, ainsi de suite. Tolobe Laki, vraiment, période Nyonso, a gestion Mboka par le président Mobutu. Merci, Mingi, Thomas, Loua, Kato, Tikalikana, 12 minutes. Enfin, un peu moins d'ailleurs, pour Nakozoa. Quelques interventions. C'est beaucoup moins. Merci Alfred Munongo qui nous regarde depuis Kenge dans la province du Kwango et à José Pelende qui nous regarde depuis Luanda en Angola. 085 000 44 40 089 44 44 471. Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko Zamo, mon cousin Penza. Tant les amis. Je vais vous dire que je suis en train de faire des choses. Je vais vous dire que je suis en train de faire des choses. Il y a 4 ans, il y a 3 ans. 60-63. Merci. Il y a Bitumbe Gizenga et il y a Gwenye, au rébellion à Gwenye, ça fait quelques mois. Merci. Bonjour Papa Thierry Kamboundi, c'est le médecin Saïra Mputu depuis Bumbu. J'ai bien suivi votre émission et j'ai beaucoup appris de ce que coûte la dictature, de combien il est important de quitter les affaires avant que celle-ci ne vous quitte, de savoir que lorsqu'on est dirigeant, on est également serviteur de ceux que l'on dirige. Merci à vous, l'historien Thomas Louaka. Message Moussousou, Papa Kamboundi, Makambouya Boye, Ezalaka na top Kongote, et Utiwa Piezongi, Ezongi la na Kisangani. Oh, je ne comprends pas votre message. Ton auditeur Moussousou Nandia Nasinga. Allô? Oui, bonjour, le docteur. Bonjour. Willy Boubenga, depuis Gombe. Toujours quand même, Willy. Est-ce que Nandia a des histoires à vous? À l'époque où on a basé le niveau d'activité, on a mis les lois et comme ils étaient, les voilà. Bon, je pense que tu peux s'y expliquer un peu, hein. Comme au niveau de la classe, par rapport à Mobutu notamment. Ndeko, tu es pas capable en politique, hein. Il faut faire la distinction entre diplôme et bomoto. Parfois, diplôme et pèse à la bomototé, bomoto et permet à la pèmoto à Konza. Mobutu a zaki autodidacte, comme Pelumumba a zaki autodidacte. Tu crois qu'on évalue à ton époque, on a été à bas niveau à diplôme. Voilà. Tous les auditeurs, mon sous allô, bonjour. Allô. Bonjour, papa, chéri. Bonjour. Papa Thomas Louaka, on a fait Sylvie Nombote, Vivienne Loukelo. Ah, bonjour, maman Vivienne. Oui, Nalina y est, baboué. Tant que Kamika, tout le temps, on va faire une réunion. Tant mon bout, on ira côté, bah, des gens n'y est pas, voilà qui est étudiant. Maintenant, dans le conseil de ministre, mon bout, on va faire une côté en tant que qui? Oui, la sécession katangaise. Bah, on est au sol et la monnaie, nini, im, nini, fait. Bakomaki na drapeau na bango na mboka mbongo na bango franc congolais et franc katangé na il na bango et puis maman Loukelo apparemment au sauté épisode mongo ba bengana ngi mobutu na réunion au réunion préparatoire il y a table ronde il y a table ronde Na gouvernement ya liboso azaki nommé azaki vice-ministre près le premier ministre. Donc azaki membre à part entière ya gouvernement donc azaki na droit ya siéger. Or wana ayi ga rid pire petit à Lumumba ayekota na makambo boye ba ebisi petit place neza te bima libanda. Tozi auditeur mosusu en saluant Olivier Mukendi qui nous regarde depuis la Russie. Enchanté. Allô bonjour. Allô bonjour Ndeko Chérita. Bonjour na motama ele papa Thomas Loaka. Merci Ndeko. C'est vrai que Mobutu était très politique. Donc, il y a un message là, c'est déjà disponible et on en a déjà parlé, beaucoup parlé même, Ndeko. Et puis pour leur compléter, Ndeko a tout une question. Rappelez-vous, tant que Ndeko a CIA, Basala, Bacheka, qui va profiter d'un homme politique, rapport Basala sur Mobutu, qui est capable de gérer Mboka. Papa Kambouni, Makambwe, enfin voilà, Koloa Sungayo, Papa Thomas Luaka, Okobarope Sabiso Basango, Blaise Wata, na Lutendele, na Foire. Tous les auditeurs, Moussousou. Allô, bonjour. Allô, bonjour papa Thierry. Bonjour. Bonjour papa Thomas. Bonjour. Et là, moi, je suis dans mon belle. Nani là, tout n'a pas papa Thomas Loaka. N'a pas dit qu'on a un top Congo. Depuis 2016, na chaîne à Kimbuta. Ma camion sur Beta, n'a pas eu salama à l'élo. N'a pas eu que Congo tourne qu'à Oran. Avancement, ils en ont été. Sur Nani là, tout n'a. Est-ce que Mboko est à peine à ma chance au bon? N'est-ce que je m'en les gens ont attiré dans l'histoire. Pour moi, tant qu'auditeur, on a tout tourné à Oran, dans ma solo bêta banda, car la Tina n'est pas comme à niveau. Deuxième question, quand Kokolo et Bapé Sara Kombo en attend au général Kokolo Koufi, tout pendant la Belge, comme on est à la rare quand Kokolo. Et moi, vous tenez à Pessi Kombo, moi, vous tenez à Pessi en reconnaissance à Vienne. Le Cambo à venir à Congo, non, à venir les alliés, parce que le problème Nabiso, en fait, ils ont un problème Mibale. Un, Tokoma sérieux. Deuxièmement, au moins, ils ont un peu de téléphone, c'est un code PIN. Code PIN pour Congo et se développer, Yébani. Et c'est un peu comme Mibale. Compétence, na éthique, to honnêteté. Ce qui est aux à chaque poste, tout Tiemoto à Yébi Moussalawana, Péazali honnête. Congo et Koka Moussa Mokil Mobimba. Voilà. Merci Mingi de Kotoma Luaka. Tokomina Souka Yamana Kanabiso. Salutations Nandekwazo Nandabiso depuis Karawa. Merci Nayo Ndeko Arthur CDA. Alors puis je vous suis en direct de Karawa ici, Arthur CDA. Aza honorable CDA, voilà. Collègue Nangai. Voilà. Merci Nandeko depuis Mbujimai. Merci Nandeko Bartelo Kapemba depuis Kinshasa. Bref, Bandeko Balandi Biso Bino Nyonso, Botali Biso na YouTube, Bolandi Biso na Facebook, Bolandi Biso na FM, à travers ma station relais. Bandeko Mbujimai, ba réclamant qui n'a moni Mbujimai et Zoko. Bandeko Mbujimai, ba komi mingi na YouTube, ça veut dire que c'est bon. Okay. Voilà. Grand merci à vous de nous avoir suivis et regardés. Beaucoup et partager peu qu'au les sous émission parce que vous allez disponible n'a pas plateforme et n'a biso nyonso en ligne. Merci de Kotoma Luaka, ma personnalité politique misous sous yaminé et ma marca histoire en boca n'a biso batikali toroko ba histoire n'a. Merci à ce papa qui nous a écrit qui est venu déposer une lettre aujourd'hui. Tout à fait. Semaine passée, to sengaki n'a bateau ba ebi ba livre. Y a Kasavubu. Papa Mora comme les biso comme on est na bosani. Paulin Tusumba. Voilà, papa Paulin Tusumba et tika lettre ti awa. A recommandé le livre Moron Ndeko Thomas Luaka. Je crois qu'on va continuer des recherches sur Kasavubu, sur Etienne Tshisekedi et sur d'autres personnalités politiques qui ont marqué l'histoire de ce pays. Merci aux équipes techniques. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Parlons-en. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. L'inspection générale des finances.